et le Tour de France, on l'appelait Marie-France. Hugo est une grosse merde, oi, oi, oi. Ses potes sont des enculés, ouais, ouais, ouais. Sa femme est un travelo, wow, wow, wow, wow, wow. Hugo est devenu fou, il a appris le coup de fou. Depuis qu'il fume de l'opium, Hugo vit dans un aquarium. Hugo est une grosse merde. Hugo, Hugo, on t'encule.